amoureux, jaloux, cœur brisé, infidèle ou cœur d'artichaut, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour enfin claquer la porte, bibliographie, lien, mais aussi nos podcasts pour les chagrins d'amour ou nous réécouter avant de vous faire larguer, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, nous irons réécouter notre série consacrée au mystère du cerveau.